Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. En parade. Accordéon parade, c'est un plateau d'accordéonistes. Le bonjour de l'accordéon tous les dimanches de 9h à 10h avec Michel et ses amis du piano à motel. Auditrice, auditeur de Sorgia FM, ami de l'accordéon, ami du piano à bretelles, bonjour. Et Accordéon Parade, c'est une émission 100% musette sur la bande FM. L'émission, eh bien, j'ai fait appel à un sympathique jeune homme qui a un merveilleux chapeau, c'est notre ami Roger Laroche. We'll be right back. Et merci à Roger Laroche de nous avoir invités dans un camp gitan. Et maintenant, eh bien, on va aller faire un petit tour dans une soirée tyrolienne. Et c'est Rocky Cortez qui nous interprète ce morceau. We'll be right back. et bravo pour cette vraie valse musette, un morceau composé par monsieur Émile Vacher. Et on continue avec Jean-Georges et son orchestre qui nous vient d'Alsace. Merci à ces sympathiques garçons, quatre garçons, le groupe Electronicas, qui vient de nous interpréter cette merveilleuse valse Apollo Marche. Et puis maintenant, eh bien, nous allons retrouver un sympathique jeune homme, un jeune homme qui est gaillard, gaillardeau, et c'est monsieur Milan Grandmantique qui habite à Saint-Denis. Thank you. Maintenant, nous allons valser. Nous allons écouter la valse Apache interprétée par Maurice l'Archange. Et les Apaches, dans le temps, c'était les mauvais garçons qui se trouvaient aux musettes. Maurice l'Archange, la valse Apache. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Parade que vous écoutez. Une émission que vous propose, que vous présente Michel tous les dimanches entre 9h et 10h sur votre radio sympathique Sorgia FM. Auditrice, auditeur de Sorgia FM, bonjour ou rebonjour. Accordéon Parade, c'est 9h-10h. Une émission 100% musette. Une émission pour les mordus du dépliant. Eh bien, on va continuer avec les Apaches. Il y a quelques instants, c'était Maurice l'Archange qui nous interprétait la valse Apache. Et bien maintenant, on va se plonger dans les années 1934 avec Fredo Gardoni qui, lui, a composé la Java des Apaches. Alors Fredo, quand tu veux, tu peux y aller nous interpréter une petite Java, la Java des Apaches. Thank you. bien quand nous étions de tout petits garçons, de toutes petites filles. Quand un jour mon père me trouva regardant tout baba danser de joyeux drilles, comme une valse à petits pas, sur un air qui me frappa. Comme je ne la connaissais pas, j'interrogeais papa qui me dit mon petit gars. Et là-dessus nous n'en c'est pas très long, ce n'est pas pour les salons, c'est la danse des apaches. Néni vas ni mazurka, ça s'appelle une java, c'est plus à l'amourage. Et de mon macro panthéon, au son des accordéons, avec des mots polissants, tous les mauvais garçons la chantent sans façon. Merci à Fredo Gardoni de nous avoir interprété cette merveilleuse java qui fait bon de danser cette java bien en cadence, bien en mesure. Et pour apprendre la java, ça va tout seul. Eh bien ça, c'est du musette. Et merci à Bietri Pascal qui vient de nous interpréter ce merveilleux morceau composé par notre ami Émile Prudhomme. Allez, on va faire un petit coup de romance, romantica, boléro, et c'est Claude Genet. Eh bien, nous étions dans les Dolomites avec le sympathique Oscar Pinter qui nous a fait valser avec son accordéon. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Passe doble, son jupon vole, et en foulant raffole. Pas de corrida, la reine, c'est sa piste, et rien ne lui résiste, c'est un super phénix. Claque des talons, elle lève les gambettes, la gorge chaude, elle vous tourne la tête. Les castagnettes crépitent, c'est la fête. Et merci à Manolita de nous avoir fait danser ce passo doble. Allez, maintenant, bien maintenant, on va aller retrouver Riquita. Tiens, Riquita. Jean Ardoin. À Java, il est né une poupée. Une poupée si jolie qu'on lui dit. Un bijou ou un joujou qu'on adore. Grand fou, un étranger en passant la voyant, lui dit bien donc qu'à Paris, ma jolie, les plaisirs et les désirs te feront rêver des mots. Riquita, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner des baisers, tes grands yeux langoureux en sortant. Ton doux chant émouvant nous appelle. Riquita, joli rêve d'amour. On voudrait te garder toujours. Mmh. Merci à ces deux charmantes accordéonistes, Corinne et Fabienne Chapuis, qui nous viennent du Jura suisse et qui nous ont fait un petit caprice de montagne. Allez, on va continuer Accordéon Parade avec un passe double. Et c'est Patrick Stanger qui nous interprète Espana. Merci Patrick pour ce merveilleux passo-double. Et bien maintenant, on va écouter Mademoiselle Yvette Horner qui a fait plusieurs fois le Tour de France. Et Yvette Horner était sur une voiture, sur le capot de la voiture, et nous jouait de l'accordéon. Et bien, on va l'écouter à cette époque-là qui nous interprétait Domino, Mademoiselle Yvette Horner. We'll be right back. Je pense que vous avez reconnu Albert Rehnbeel puisqu'il a doublé Yvette Horner presque à l'arrivée. Mais maintenant, c'est Mademoiselle Yvette Horner dans Domino. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Merci à Vevette, à Yvette Horner pour nous avoir interprété cette merveilleuse valse de Louis Ferrari Domino. Et c'est avec cette valse que se termine Accordéon Parade. Une heure de pur bonheur ce dimanche. Accordéonistique bien sûr pour les amateurs de musette. Et c'est tous les dimanches entre 9h et 10h. Avec Michel et ses amis du piano à bretelles, Accordéon Parade. Du bonheur, du vrai bonheur. Sur ce, auditrice, auditeur de son GFM, je vais vous quitter. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et tout ça un accordéon. Allez, à bientôt et bye bye. c'est Michel en votre compagnie ce dimanche sur les 91 MHz de votre radio sympathique sur GFM pour une heure de détente, une heure de bonne humeur. Et même une heure de vacances pour vous, auditrices, auditeurs de sur GFM. Sur la terrasse, on lit le journal, on sirote, tiens, je savais pas qu'on sirotait le café. Un petit café. Et on écoute sur GFM. Tranquille, relax. Ah, ça fait du bien. Comment allez-vous, auditrices, auditeurs de sur GFM? Je pense que vous allez bien. Que vous avez passé une excellente semaine. Pas trop chaud, ça va. Comment? Non, non, je dis pas trop chaud, c'est pour faire plaisir, hein, pour... comme ça. Parce que cette semaine, nous avons eu chaud. Et puis la chaleur, eh bien la chaleur, on la trouve bien sûr, mais on peut trouver de la fraîcheur. On peut trouver de la fraîcheur au Carnotzet. Ah, vous connaissez pas cet endroit? Eh bien, sur le plateau de la Méchaille, il y a un endroit qu'on appelle le Carnotzet. Ce qu'on est bien. C'est du frais. Et puis, pour l'ambiance, eh bien, écoutez, ambiance de Carnotzet. c'est de la bonne ambiance. Ici, à la radio, on a l'ambiance un petit peu, la musique. Mais quand vous êtes dans le Guernesey, eh bien, dites donc, c'est une autre ambiance. Et ce morceau, je l'ai dédicace au patron et à la patronne de ce petit endroit. Solitaire, sur l'autoroute, wow, la machine bien en main. Le camionneur, bloque ses freins. Yeah. Une cigarette au bord des lèvres, Roger se pense au lendemain, à la fille qui lui tendra des rênes et tout ça pour son bien. Yeah. Yeah. Trop glauque, trop le dancing, cha cha cha cha, ça craque et ça swing, pa pa pa pa pa. Trop low dancing, yeah. Oh oh oh, cha cha cha cha cha, ça craque et ça swing, yeah. De la bière à tour de bras, wow, le corps en abreuvoir. Pissant de soeur poivrée au bal du samedi soir. Pour l'instant, des kilomètres, faut s'envahir, sans bavette pour arriver dans l'arène où le bijou attend son étreignoir. Yeah. Trop l'eau, trop l'eau dancing, tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè tchè. Trop l'eau dancing, yeah. Solitaire sur l'autoroute, ouin, la machine bien en main. Le camionneur, bloque ses freins. Yeah. Cigarette au bord des lèvres, Roger se pense au lendemain, à la fille qui lui tendra les rênes et tout ça pour son bien. Oh, oh, oh, oh, à la fille qui lui tendra les rênes et tout ça pour son bien. Capitaine, yeah. Well. Oui, un grand bravo à Gérard Blanchard qui vient de nous interpréter Trouglo Argentine. Et maintenant, on va écouter un chanteur qui a fait carrière en Argentine, qui est né à Toulouse. C'est Carlos Gardel, le roi du tango. Eh bien, on écoute dans Caminito, Carlos Gardel. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto será. Una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a Dios. Le tournesol n'a pas besoin d'une boussole. Alors ma belle, regarde un peu vers le soleil. Voilà le discours d'un garçon qui mourait d'amour pour une demoiselle qui dormait tout le long du jour. Le tournesol vers le soleil, tourne le col. Mets-toi messieurs, tu ne sais que fermer les yeux. C'est ce que chantait un oiseau qui parlait français. Le tournesol ouvre les plis de sa corolle et le soleil lui fait cadeau de ses merveilles. Une fleur qui nous fait la leçon. Le tournesol, une fleur qui nous fait une chanson. Le tournesol, la la la. Là, c'est Nana Mouskouri qui vient nous chanter le tournesol. À la barrière de l'autoroute, ses maîtres partent sans se retourner. Sous le soleil, en plein mois d'août, s'il ne se fait pas écraser, il finira à la fourrière, dans le refuge des chiens trouvés. Un orphelin parmi ses frères, tous les animaux ont un cœur. Ils partagent nos peines, nos plaisirs. Les animaux ont un cœur, il ne faut pas les faire souffrir. Tant des caribes, des vacances, des centaines sont abandonnés comme des objets sans importance par ceux qui devraient les aimer. Le chat perché sur la gouttière n'a pas mangé depuis trois jours. Seul dans la rue, que peut-il faire? Privé d'abri, privé d'amour. Ils ont fermé l'appartement en le laissant sur le palier.

petit garçon, Monsieur Serge Reggiani. Eh bien voilà, après on va faire un petit tour au Tyrol, eh bien maintenant on va faire un petit tour au Canada, ou plutôt on va écouter un chanteur canadien, c'est Georges Hamel, qui nous parle, qui rend hommage à sa maman, toi maman, Georges Hamel. Toi maman, la vie, tendrement tu m'as tout donné, tes baisers, ton amour et ta vie. Aujourd'hui je viens te remercier. Dans la vie tu m'as souvent dit, mon enfant, méfie-toi dans la vie. Chère maman, tu ne m'as jamais trompé. Papa t'a dit, veux-tu chérir, tous les deux fonder un foyer. Ce fut le plus beau jour de ta vie, et depuis ça n'a pas cessé. 18 fois tu as donné la vie. La vie à tout jamais resteront partira heureux de ta vie, vers les cieux pour l'éternité. Tu auras toujours dans mon cœur une place malgré ma douleur. Chère maman, on ne pourra t'oublier. Chère maman, on ne pourra t'oublier. Chère maman, merci à Georges Hamel pour cette merveilleuse chanson et on retrouvera prochainement Georges Hamel dans d'autres titres. No more do I see the starlight caress your hair. No more feel the tender kisses we used to share. I close my eyes and clearly my heart remembers. A thousand goodbyes could never put out the embers. Darling, I love you so, and my heart forever will belong to the memory of the love that we knew before. Please come back to my arms. We belong together. Come to me, let's be sweethearts again. Then let us part no more. No more do I feel the touch of your hand on mine. No more see the love light making your dark eyes shine. How I wish I never had caused you sorrow. But don't ever say for us there is no tomorrow. Darling, I love you so, and my heart forever will belong to the memory of the love that we knew before. Please come back to my arms. We belong together. Come to me. Let's be sweethearts again. And then let us part no more.

ce qu'on dit de lui, il s'en fout. Gitano, que tu ne connais pas, il a le cœur au portico. Primo, tiene un montón. Gitano, que je connais pour toi. C'est Daniel Guichard et Chico avec ses amis qui nous ont interprété le Gitan. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Ça commence avec toi. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Plus de 25 ans, Castor et s'est marié. 25 ans que le plat du jour il n'a pas congé. Lundi ou samedi et chaque tout le long de l'année. Je ne peux pas dire qu'il chie, menu il est varié. Lundi chez des prêteurs, mardi chez des prêteurs, bien sûr, et mercredi chez des frites aussi. Jeudi chez des prêteurs, vendredi chez des prêteurs, bien entendu le samedi chez des frites aussi. Il n'y a que le dimanche que le plat du jour y gange, et le dimanche pour congé d'un assiette épurée. Et tout l'année passée, j'ai tout un déplacement. Je me dis tiens pour congé, je vais me payer le restaurant. J'ai pris l'apéritif pour m'ouvrir l'appétit. Je l'ai tout de suite dû couper quand le serveur il m'a dit. Lundi chez des prêteurs, mardi chez des prêteurs, bien sûr et mercredi chez des prêteurs aussi. Jeudi chez des prêteurs, vendredi chez des prêteurs, bien attendu le samedi chez des prêteurs aussi. Il n'y a que le dimanche que le plat du jour y gange, et le dimanche pour congé. d'un assiette épurée. Tous les ans au mois d'août, j'ai tout dit le même affaire. Ça va passer à une paire et toujours un mot de smer. Jamais un apéro, la reine boque des lions. Tous les jours pour dîner, là je vous laisse deviner. Lundi chez les prêteurs, mardi chez les prêteurs, bien sûr, et mercredi chez les frites aussi. Jeudi chez les prêteurs, vendredi chez les prêteurs, bien entendu samedi chez les frites aussi. Il n'y a que dimanche que le plat du jour y gange, et dimanche pour congé d'un assiette écurée. Lundi chez les prêteurs, mardi chez les prêteurs, bien sûr, et mercredi chez les prêteurs aussi. Jeudi chez les prêteurs, vendredi chez les prêteurs, bien entendu samedi chez les prêteurs aussi. Il n'y a que le dimanche que le plat du jour y gange, et le dimanche pour congé d'un assiette écurée. Lundi chez les prêteurs, goodbye Joe, we gotta go, me, Et bien voilà, voilà, l'émission se termine. Je pense à vous, auditrices, à vous, auditeurs sur GFM, que vous avez passé un agréable moment ce dimanche matin sur les 91, les 91 MHz de sur GFM. Programmation, présentation de Michel. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Et à bientôt, bye bye.